Piste 47. Exercice 6. Les liaisons avec z, n, t et r. 1. C'est mon ami. 2. C'est pour leurs amis. 3. C'est ton grand ami. 4. Mon premier ami.